Zacharie chapitre 8. Le parole de l'Éternel des armées me fut encore adressée, en disant. Ainsi a dit l'Éternel des armées, j'ai été jaloux pour Sion d'une grande jalousie, et j'ai été jaloux pour elle, avec une grande indignation. Ainsi a dit l'Éternel, je me suis retourné vers Sion, et j'habiterai au milieu de Jérusalem, et Jérusalem sera appelée, ville de vérité, et la montagne de l'Éternel des armées sera appelée, montagne de sainteté. Ainsi a dit l'Éternel des armées, il demeurera encore des vieillards, et des vieilles femmes dans les places de Jérusalem, et chacun aura son bâton à la main, à cause de son grand âge. Eux accent aiguté les rues de la ville, seront remplis de fils et de filles, qui se joueront dans ces places. Ainsi a dit l'Éternel des armées, s'il semble difficile devant les yeux du reste de ce peuple, que cela arrive en ces jours-là, sera-t-il pourtant difficile devant mes yeux, dit l'Éternel des armées? Ainsi a dit l'Éternel des armées, voici, je m'en vais délivrer mon peuple du pays de l'Orient, et du pays du soleil couchant. Et je les ferai venir, et ils habiteront dans Jérusalem, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu en vérité et en justice. Ainsi a dit l'Éternel des armées, vous qui entendez en ces jours-ci ces paroles de la bouche des prophètes, qui ont été au jour que la maison de l'Éternel a été fondée, et le temple rebâti, que vos mains soient fortifiées. Car avant ces jours-ci il n'y avait point de salaire pour l'homme, ni de salaire pour la bête, et il n'y avait point de paix pour les allants, ni pour les venants, à cause de la détresse, et j'envoyais tous les hommes l'un contre l'autre. Mais maintenant, je ne ferai point à ceux qui sont restés de ce peuple, comme j'ai fait les jours précédents, dit l'Éternel des armées. Mais ce qu'ils sèmeront sera une semence de prospérité, la semence de paix sera là, la vigne rendra son fruit, et la terre donnera son rapport, les cieux donneront leur rosée, et je ferai hériter toutes ces choses à ceux qui seront restés de ce peuple. Et il arrivera, aux maisons de Juda et maisons d'Israël, que comme vous avez été en malédiction parmi les nations, ainsi je vous en délivrerai, et vous serez en bénédiction, ne craignez point, mais que vos mains soient fortifiées. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, comme j'ai pensé de vous affliger, quand vos pères ont provoqué mon indignation, dit l'Éternel des armées, et je ne m'en suis point repenti. Ainsi, au contraire, je me suis retourné, et j'ai pensé en ces jours-ci de faire du bien à Jérusalem, et à la maison de Juda, ne craignez point. Et ce sont ici les choses que vous devez faire, parlez en vérité, chacun avec son prochain, prononcez la vérité et un jugement de paix dans vos portes. Et que personne ne machine du mal, dans son cœur contre son prochain, et n'aimez point le faux serment, car ce sont là des choses que je hais, dit l'Éternel. Puis la parole de l'Éternel des armées me fut adressée, en disant. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le jeûne du quatrième mois, et le jeûne du cinquième, et le jeûne du septième, et le jeûne du dixième, seront changés pour la maison de Juda en joie et en allégresse, et en des fêtes solennelles de réjouissance. Aimez donc la vérité et la paix. Ainsi a dit l'Éternel des armées, encore il arrivera que les peuples et les habitants de plusieurs villes viendront, et que les habitants de l'une iront à l'autre, en disant, allons, allons supplier l'Éternel, et rechercher l'Éternel des armées, je m'y en irai moi aussi. Ainsi plusieurs peuples, et de puissantes nations, viendront rechercher l'Éternel des armées à Jérusalem, et y supplier l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel des armées, il arrivera en ces jours-là, que 10 hommes de toutes les langues des nations, empoigneront et tiendront ferme, le pan de la robe d'un juif, en disant, nous irons avec vous, car nous avons entendu que Dieu est avec vous.